de que ça va rendre, ça va dépendre un peu de on peut pas te prendre, tu dois t'en rendre compte, Lola. On peut pas te prendre jusqu'au calendrier grec, Lola.